Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Je ne trouve pas le sommeil, il pleut sous les pavés, il pleut dans mon époque, il pleut dans ses visages, tout est construit en toc, il pleut dans les étables, couvre-toi bien les yeux, tu vas prendre froid, tu vas prendre froid, on pourrait faire un feu. Est-ce que t'as du bois? Tu vas prendre froid. Il pleut dans les voitures, il pleut sur la frontière, des crises, une fissure, au sec la poudrière. Il pleut dans les dessins, il pleut sur l'étranger qui ne croit pas au saint. Il pleut dans les allées. Ouvre-toi bien les yeux, tu vas prendre froid, tu vas prendre froid, on pourrait faire un feu, mais est-ce que t'as du bois, tu vas prendre froid. Les espoirs, il pleut sur la couleur, on broie toujours du noir, il pleut même sur les fleurs, et moi je pleure mon compagnon, et ça coule dans ma guitare, y'a que le vin et les chansons qui peuvent sécher nos mémoires. Couvre-moi bien les yeux, je vais prendre froid, je vais prendre froid. Je vais dans les bois, tu cours après moi, je vais dans les bois. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Eh bien oui, arc-en-ciel, bien les oreilles. Nicolas et Sébastien avec vous pour une émission musicale. Et comme promis, tout de suite au téléphone, nous allons avoir notre premier chanteur. On vient d'écouter un petit morceau à lui. On va lui demander justement comment il est venu dans la musique. Qu'est-ce que c'est que ce petit morceau? C'est monsieur Teddy Abou et on vient d'écouter à l'instant le bulletin. Bonjour Teddy, bienvenue sur arc-en-ciel. Bonjour et merci de me recevoir sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, on est heureux de t'avoir. Alors justement, Teddy Abou, chanteur forcément, puisqu'on entend cette belle voix. Et on vient d'écouter Le Bulletin. Alors on va en parler tout de suite. Le Bulletin, qu'est-ce que c'est pour toi? Tu es auteur, compositeur, d'où est-ce que ça devient ce morceau? Oui, exactement. Alors c'est ça en fait, moi je suis auteur, compositeur. Il y a un terme en anglais pour définir ce que je fais, ça s'appelle le songwriter. C'est oui. Faiseur de chansons, si on veut traduire. Et c'est un terme qui me correspond bien. J'essaye de prendre des textes et enfin de décrire des textes et de la mélodie et d'essayer que les deux soient le plus cohérent possible. Et le bulletin pour cette chanson précise, c'est une chanson tout simplement. Il y avait un temps un peu maussade dehors et je voulais faire un espèce de bulletin météo. En parlant aussi de la société, de comment un jeune de mon âge pouvait voir le monde, le pays. Voilà, c'était un peu une réflexion sur les émotions qu'on pouvait avoir par rapport à ça. D'accord. Alors c'est normal, le temps maussade, c'est parce que tu es en Normandie, donc c'est un petit peu logique. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, je n'habite pas en Normandie, mais c'est vrai que ce disque, il a été largement écrit et surtout enregistré en Normandie. D'accord. Et j'espère qu'il en ressort quelque chose de tout à fait normand, à savoir même dans les morceaux tristes, il y a de la lumière qui ressort, ou dans les morceaux gays, j'espère qu'il y aura aussi un truc un peu peut-être sérieux qui va sortir. Ouais. J'aime bien cet aspect nuancé qu'il y a tout le temps en Normandie. Quoi. D'accord. Ouais. Tu n'as pas rajouté de patois normand dedans. C'est bon, on va comprendre les paroles. Non, non. Bah, déjà, je ne me serais pas permis parce que j'en parle pas. Mais j'adore les patois et c'est vrai que ça peut être une idée pour la prochaine. Pour des prochains titres, exactement. J'adore tout ce qui est accent et langue régionale. Quelque chose qui me parle beaucoup. D'accord. Bah, je suis normand d'origine, je vais pas te prendre mon patois parce que sinon on va plus rien comprendre. C'est pour ça que d'accord, je dis ça. Mais par contre tu pourras m'apprendre quelques mots et j'essaierai de les sortir. Ah bah le ptio, il pleut, enfin voilà, il est vrai que par moment j'arrive avec pas l'accent mais à rajouter des petits mots sans cette consonance qui revient. D'accord, oui, c'est toujours intéressant parce que les langues qu'on a entendues tout petit, même avant la naissance, c'est quelque chose qui revient tout le temps et qui enrichit le langage, quoi. Et il n'y a pas que le breton et le corse, hein. Il y a d'autres langues, voilà, il faut le dire, notre patois. Exactement. Voilà. Alors tout de suite, je fais un petit coucou aussi à Betty, hein. C'est grâce à Betty, hein, ton manager, que j'ai eu le plaisir de t'avoir. Alors je lui fais un gros bisou. Alors je crois qu'elle est à Paris, hein. Elle doit pas être en Normandie en ce moment, donc on lui fait un gros bisou si elle nous écoute. Et puis merci à Betty. Betty, et de même, exactement, présente. De nous avoir fait connaître, exactement. Voilà. Alors Teddy Abou, hein. Donc Teddy, c'est 2DY et Abou, 2BOU. Hein, si les personnes souhaitent te retrouver sur ton site internet par exemple, oui. teddyabou.fr. Donc ça c'est une voilà, consonance. Voilà, donc on peut te qualifier Teddy Abou. Donc tu manies les mots, tu chantes des histoires qui interpellent sur le monde et les relations humaines, tu baignes dans une culture musicale engagée, Renaud, Brassens et Dylan. Donc c'est les trois chanteurs qui t'ont inspiré tant petit. Papa et maman écoutaient ça à la maison, c'est ce qui t'a donné envie. Alors pour Renaud, pas mal, oui. Renaud et Brassens, c'est un peu justement, Renaud c'était plutôt ma mère et Brassens surtout mon père. C'est quelque chose, voilà, l'amour des mots, l'amour de la blague, même quand on dit quelque chose de sérieux, de faire une petite vanne, d'utiliser aussi, de se permettre d'utiliser des argots. On parle des langages, des langues régionales, mais il y a aussi les argots, tout ce qui est modification de la langue. Et de se permettre, voilà, de dire que le français c'est une langue qui évolue toujours, et de dire qu'il y a de la beauté un peu partout, pas que dans le vieux français tel qu'on peut le concevoir avec les anciens poètes, mais la poésie est partout, y compris dans la ville, y compris dans ce qu'on peut trouver qui est de prime abord pas forcément très très beau. C'était tout de suite un deuxième morceau avec Teddy Abou. On va le rattraper dans quelques poignées de secondes, je vois qu'il est en face sur l'ordinateur. Donc Teddy Abou, on va écouter tout de suite Les Loups et on se retrouve juste après sur Arc-en-Ciel. Un mégot encore allumé fait déborder le cendrier. L'appel que tu ne passes pas emplit mon cœur, enroue ma voix. La nuit je rêve de tes deux obus tout ronds. Je m'y promène à pas de loup. La nuit je rêve de tes longs cheveux si blonds. Les matins j'en crève et tu t'en fous. Je m'en fous. Sur tous les zincs de mon quartier, je suis servi sans commander. Je sais pas quoi faire alors je bois à ta santé pour t'oublier. La nuit je rêve de tes deux obus tout ronds. Hurle à la lune avec les loups. La nuit je rêve de tes longs cheveux si blonds. Tous les matins j'en crève et tu t'en fous. M'en fous. berné comme un bateau par l'océan. Les joues creusées comme l'est la plage par les enfants. La nuit je crève, car tes deux obus tout ronds sont dangereux. La nuit je crève dans tes longs cheveux si blonds. Tous les matins j'en rêve et tu t'en fous. Oui, je suis là. Et voilà, tu es revenu. Alors de l'autre côté dans les tuyaux, le son change un petit peu. On va, voilà, le temps de recaler un petit peu la chose. On est toujours en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec notre chanteur Teddy Abou. On parlait justement du site internet où on peut retrouver ton actualité musicale. On vient d'écouter à l'instant un deuxième morceau, Les Loups. Alors, quelles sont tes influences musicales? Est-ce que tu peux nous en dire un petit plus? On a parlé de quelques chanteurs, mais tes influences sont plutôt détournées sur le rock, sur la pop, sur la variété française? Alors, effectivement, alors moi je viens du rock au départ, ça veut dire que quand j'ai découvert la musique, quand je me suis vraiment intéressé vers 15-16 ans à faire mes premiers groupes, c'était vraiment du rock que j'écoutais, parce qu'il y a une espèce de rage et d'énergie dans le rock que je ne retrouvais pas ailleurs. Et il se trouve que de plus en plus, j'ai écouté en cherchant des textes, en cherchant des mots, comment utiliser les mots dans la musique. Je me suis mis beaucoup à écouter alors la variété française, la chanson française, y compris même la chanson réaliste du début du siècle. C'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et bien sûr, j'ai écouté des maîtres du genre. Alors ça va, Brassens, Renaud, il y a même Yves Montand. Récemment, il y a eu Renan Luce, Benabar, Raphaël. Je trouve qu'en France, il y a eu une bonne énergie et surtout une décomplexion au niveau des mots que j'adore, quoi. Et j'adore le fait de faire sonner les mots. Alors il y a aussi bien sûr Gainsbourg, Bachung, pas forcément leur donner un sens, mais aussi leur donner du son. Leur donner du son. Alors, peut-être bientôt du Johnny, alors, puisqu'on y est dedans maintenant aussi. Oui, alors Johnny, c'est un interprète génial. Voilà, et lui aussi, c'est un rocker. Oui. Donc c'est quelque chose qui me parle. Et puis il a travaillé avec des auteurs merveilleux, quoi, que je pense à bien sûr Goldman, Berger, il y en a tant d'autres. Et il a magnifié les chansons par sa voix, par sa présence. Et voilà, c'est effectivement. Donc j'essaye un peu. Alors moi je fais pas du Johnny du tout, il n'y a qu'un Johnny. Oui. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai pas beaucoup écoutées dans ma vie d'artiste et que j'adore, qui me filent des frissons. Je suis pas le seul à mon avis. Oui. Alors tu dis qu'il n'y a qu'un Johnny, il n'y a qu'une Betty alors aussi. Ouais, il n'y a qu'une Betty, ça dépend de quelle Betty on parle. Alors moi je parle de la Betty qui est sur l'album Normandie Blues. Oui, alors effectivement il n'y en a qu'une là. Et c'est un... Pardon ? Non, j'ai vu, oui. Ouais, c'est ça, c'est une chanson que j'ai écrite qui est un peu personnelle, mais qui est sur l'absence, sur le fait sur l'absence, sur comment on gère l'absence, comment on vit avec, parce qu'on a tous autour de nous des gens qui nous manquent pour plein de raisons, et c'était une réflexion un peu sur ça, et d'essayer d'en faire une belle chanson surtout. Eh bien, écoutons. Et c'est une chanson qui me tient à cœur beaucoup. Eh bien, puisqu'elle te tient à cœur, nous aussi, écoutons tout de suite sur Arc-en-Ciel Betty avec Monsieur Teddy Abou. Je ne me suis pas arrêté de vivre, de me nourrir ou de chanter. Il paraît même que je souris quasiment en entier. Mes habitudes restent les mêmes, pleines de bistrots où je traîne. Mais ma Betty, où que tu sois, je pense à toi. Oui, mes copains sont toujours drôles, et mes femmes sont si jolies. Les bouteilles de Bordeaux me font toujours autant plaisir. Les cigarettes que j'enchaîne ne me font plus rêver aux tiennes. Mais ma Betty, où que tu sois, qu'est-ce que je pense à toi? et la musique dans mes oreilles n'a jamais perdu sa saveur. Et bien que tu la détestais, j'aime toujours autant la chaleur. Les pommes frites que tu me piquais, j'arrive bien à les digérer. Mais ma bêtise, où que tu sois, j'aimerais te serrer dans mes bras. Je vois des photos de nous deux, je ne verserai pas une larme. Il ne faut pas être malheureux, c'est ce que m'aurait dit une grande dame que tu connais bien mieux que moi. Aucune importance, t'es pas là, mais ma bêtise, où que tu sois, je pense à toi. Je ne veux pas de quiproquo, je ne dis pas que tu m'as laissé ou que tu es parti trop tôt. Tu mérites de te reposer, j'aimerais juste que tu sois sûr que même si je fonce droit dans un mur, il y a quelqu'un ici-bas qui pense fort à toi. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Eh bien oui, la musique, elle est comme ça, avec cette belle chanson, cette belle déclaration d'amour que nous fait Teddy Abou avec nous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agissait du morceau Betty. Quelle belle déclaration, Teddy. Alors là, je pense qu'avec une déclaration comme ça, tu as pu en séduire. c'était pas fait pour ça au départ, mais tu marques un point parce que il se trouve que j'ai commencé la musique un peu comme ça. Oui. C'est que tout simplement quand j'étais adolescent en colonie de vacances, il se trouve que j'avais un copain qui autour des feux de camp qui ramenait tout le temps plein de filles autour de lui. Il s'appelait Alexandre et il avait tout le temps la guitare. Et je me suis dit, il faut que j'essaye cette guitare. Ça a l'air vraiment très, très important et ça a l'air de bien marcher. Oui. Au final, les années passant, les filles sont parties, mais la guitare est tout à fait restée. La guitare, ah bah, et ça c'est ce qu'il faut. Pour amener du monde autour de toi, la guitare, il n'y a rien de tel, comme tu dis. Alors Teddy, est-ce que tu fais partie d'autres projets musicaux? Il y a d'autres groupes que tu suis ou que tu aides aussi par tes chansons, par la guitare? Alors, il se trouve que j'ai écrit, il y a quelques années maintenant, un album concept pour un groupe qui s'appelait Mental Fox. Et il se trouve que c'était un album en français et anglais que j'ai écrit quand j'habitais à Londres. Et c'est une expérience très particulière d'écrire un album concept parce que toutes les chansons doivent se suivre et se former une histoire. Et c'est très sympa à faire. C'est très drôle et puis ça permet aussi de sortir un peu du cadre chanson française tel que je le fais moi et de sortir, de se permettre des arrangements plus rock'n'roll et plus pop quoi. D'accord. Alors une petite chose, Teddy, exclusivement en français, les chansons en anglais aussi, puisque tu parlais que tu avais écrit en anglais, est-ce que tu préfères pour le futur album être sur une consonance anglaise, française? Non, alors le prochain ce sera en français aussi parce que ça m'arrive d'écrire en anglais mais je les sors rarement pour une simple raison, c'est que je suis jamais satisfait à 100% du texte parce que il se trouve que je parle bien anglais dans ma vie personnelle, mais je parle pas anglais comme je parle français et du coup je suis un peu frustré sur certaines formulations et je m'intéresse beaucoup au texte donc c'est toujours je me permets pas encore de sortir beaucoup de chansons en anglais mais peut-être ça viendra. D'accord. Et le prochain album en fait c'est un concept aussi, c'est en fait sur toute l'année 2018 je fais un EP par saison. Et en fait, donc le tout formera à la fin un grand album à la fin de l'année. Oui. Et du coup, il y aura chaque saison qui passera un EP qui sortira sur Internet. Donc le premier sortira bien sûr le premier jour du printemps, le 21 mars, et il s'appellera Après l'hiver. Après l'hiver, magique. Et on n'a qu'une hâte. Tu nous envoies ça qu'on puisse mettre en diffusion le plus rapidement possible. Avec grand plaisir, merci beaucoup de la proposition et je le ferai avec un immense plaisir. Alors justement, en parlant des morceaux, combien d'albums tu as à ton actif? Là, l'album qui est actuellement avec nous, c'est Normandie Blues. Il y en a eu d'autres avant? Il y a eu d'autres EP? Oui, il y a eu, alors il y a eu cet album concept avec Mental Fox et sous mon nom, il y en a eu deux autres qui s'appellent Les Fabuleux Trapézistes et Binder Queno. Donc ils sont sortis alors de mémoire en 2013 et 2014. Alors voilà, après c'était la même idée, j'espère que j'ai évolué depuis. Mais c'était l'idée aussi de faire les chansons avec de différents arrangements. Binder Queno par exemple, il est plus rock'n'roll, il y a une batterie, une basse, une guitare. Voilà, c'est très formation rock un peu classique, un peu rentre dedans. Et Les Fabuleux Trapézistes, alors là c'est encore un peu plus foutraque parce que c'est vraiment le premier que j'ai fait et qu'on a fait avec, avec mes collègues. Et donc il y a vraiment beaucoup d'influences, folk, rock, presque un peu de jazz. Mais je pense que le plus cohérent et le meilleur, c'est le dernier, Normandie Blues. Et je vais essayer que le prochain soit encore meilleur. Ah bah oui, bah écoute, t'hésiteras pas à nous envoyer. Nous, on n'a que quelques morceaux. Il faudrait que tu nous envoies l'intégralité de l'album qu'on puisse mettre en diffusion sur Arc-en-Ciel. Et puis, eh bien, moi, ce que je te propose tout de suite, puisque la vie est belle, autant écouter La vie est belle de ton album Normandie Blues sur Arc-en-Ciel. Regarde comme la vie est belle. Avec ses petits sourires en coin et ses journées où le soleil comme les tétons d'une pucelle pointe. Tu me diras que l'hiver ne gèle pas seulement nos pieds et nos mains, mais également nos cœurs qui gênent ceux qui ne sont pas du matin. Si l'on se plante sur la forme de la terre, pourquoi pas nous, même si on se court. Toi mon amour, j'ai peur que tu me laisses tout seul au lever du jour. J'suis pas fait pour te faire la cour. Regarde comme la nuit est vaine. Quand elle nous enivra, plus savoir que penser. À part que j'aime quand tes yeux tristes n'ont plus de peine. Si on se plante sur l'effet de l'alcool, pourquoi pas nous, même si on se gourre. Toi mon, j'ai peur que tu me laisses tout seul au lever du jour. J'suis pas fait pour te faire la cour. Regarde comme la vie est belle quand elle prend la forme de tes fossettes. Et même le roc et toute sa sève n'auront plus aucune raison d'être. Ça fait longtemps que je te cherche, ça fait 100 ans qu'on s'est pas vu, ça fait 1000 ans qu'on se connaît. Regarde comme la vie est belle toute nue, et si on foire le compte des années. Mais pourquoi pas nous, même si on se court. Toi mon amour, j'ai peur que tu me laisses tout seul. Quand vient le jour, j'suis pas fait pour te faire la cour, moi. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Eh bien oui, sur Radio Arc-en-Ciel, notre invité au téléphone, comme il le dit si bien, notre songwriter, notre faiseur de chansons, la chanson radicale et populaire, c'est de la chanson française, l'album Normandie Blues avec Teddy Abou. Et la vie est belle, oui, elle est belle, la vie, cette chanson-là aussi, c'est une belle balade. On se voit bien, là, j'étais en train de me voir tranquillement au volant de la voiture, on écoute ça tranquillement, on arrive bien en Normandie, hein, au bord de la mer, hein, du côté, faisons-nous plaisir, du côté de Deauville-Trouville, hein, pour faire un petit coucou à Betty, et on se voit bien avec cette petite musique tranquillement dans les oreilles, dans l'autoradio, le long de la digue. Ah bah c'est l'idée, hein, c'est la musique c'est fait pour les instants de partage et de voyage et en plus voilà quand on est chanteur c'est des moments qu'on passe souvent quoi autour de dans une voiture un peu encastrée avec les instruments, le matériel à 3, 4 et c'est vraiment fait pour ça, ce disque, si vous ressentez ça, c'est vraiment le principal. Ah oui, tout à fait. Alors pour te dire, on a des auditeurs qui m'envoient des petits messages. Notre ami Fernand qui nous dit, faut que je retrouve son message, mais alors super les paroles, j'adore, magnifique. Donc tu vois, tu as déjà conquis quelqu'un, très belle chanson, très belle parole. Donc un bisou à notre mamie Fernande qui nous envoie ce petit mot. On a Cyril, un animateur du 442, hein, on lui fait un petit coucou et on le retrouve bien tous les mardis de 18 à 19h. Il est marqué « J'adore ces paroles, top ton invité ». Ça fait plaisir. Merci beaucoup Cyril, ça me touche beaucoup. Et on a une question avec moi, j'ai un chroniqueur, Nicolas. Alors Nicolas, je te laisse avec notre invité, d'accord. Teddy Abou. Merci. Voilà, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour chanter et aussi comment, si vous êtes avec des personnes devant vous, est-ce que vous avez un peu le tract au début ou pas du tout? Alors, non seulement j'ai le trac, et puis plus je grandis, enfin plus je vieillis même, plus j'ai le trac. Ça veut dire qu'au début, je pense que j'avais une espèce d'insouciance qui faisait que, bon, on se lance, de toute façon, on n'a rien à perdre. Mmh. Et puis plus le temps passe, plus on se rend compte de tous les petits couacs qu'il peut y avoir lors d'un concert. Donc ça peut être, on est mal préparé, ça peut être le matériel qui lâche, ça peut être voilà, une lumière qui lâche, et une solo qui lâche. Et plus on pense à ça, plus ça nous fait le travail, on essaye de pas trop y penser, de me mettre dans une bulle le plus possible avant, et, ou tout seul ou avec les musiciens. Mais oui, le track, alors moi j'ai jamais réussi à lutter contre, quoi. Ça veut dire que je l'ai et je fais avec. Voilà. Mais c'est un moteur aussi, hein. Mais je pense que dans tous les métiers un peu publics, vous faites de la radio en direct, je pense qu'il y a aussi du track et y a toujours un problème. Bon, enfin, toujours une voix dans sa tête qui se dit, bon, et s'il y a un souci, je fais quoi? Voilà. C'est ça, on a eu un petit souci de téléphone, comment on réagit, comment on y va. Alors justement, puisque tu parlais de ce track, de ces petits soucis qui peuvent arriver, quel est ton meilleur souvenir sur scène et le pire, pourquoi pas, hein, qu'est-ce que tu as eu déjà? On aime bien avoir les petites anecdotes de nos chanteurs comme ça. Bien sûr. Alors le meilleur, c'est un concert que j'ai fait, alors que je me trompe pas, pareil, il y a 3 ans je crois. C'était à Ménilmontant, donc c'est à Paris. C'est une avenue très connue, un quartier très artistique et très populaire. Et c'était une grande scène qui avait été montée dans un festival qui s'appelait le Ménilfest. Et alors c'était moi je suis parisien, donc c'est un peu le cœur de Paris, Ménilmontant, et de jouer dans cette scène dehors avec ce public dans cet endroit, c'était très touchant. Et puis c'était une grande scène, donc c'était très impressionnant. On était avec une formation très rock, donc voilà. Après le pire, je vais vous dire, c'était à Brest. Je jouais à l'époque avec un guitariste. On jouait dans un bistrot à Brest lors d'une tournée et on a commencé la première note de musique. Donc il n'y avait pas grand monde dans le public. On a commencé la première note de musique et les 3-4 personnes qu'il y avait dans le public sont allées dans la salle fumeur et ont fermé la salle fumeur et on s'est retrouvé face au barman, quoi, avec que nous. Et c'est des moments un peu... on en rigole, c'était toujours drôle, mais sur le moment, on fait pas les fiers, quoi. On se dit, il y a un truc qu'on a fait qui était pas le bon. On se pose toujours la question, hein, quand le public est comme ça, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon, ça va pas, les gens sont là pour écouter, on se demande. Alors justement, en concert, est-ce qu'il y a une chanson phare, une reprise que tu veux absolument faire sur scène parce que ça accroche ou tu l'interprètes d'une façon complètement différente? Donc les personnes qui viennent te voir ont vraiment accroché dessus? Alors non, moi comme je suis auteur-compositeur, la plupart des chansons que j'interprète, c'est vraiment mes chansons. Après les reprises, oui, ça dépend de l'actualité, de l'envie. Ça m'arrive voilà de reprendre du Renaud. On a repris pas mal du Bowie, la chanson Heroes, parce que c'est une chanson incroyable, magnifique, fabuleuse. C'est tellement elle est bien écrite. Et voilà, donc ça m'arrive de faire une reprise, mais c'est pas le cœur du spectacle, c'est vraiment mes chansons. Et après, dans les miennes, je pense que le bulletin, elle marche bien. Et puis, jusqu'aux dents aussi, elle marche pas mal, elle est plus posée. Et les gens sont intrigués par ce texte. D'accord. Eh bien, justement, je te propose tout de suite d'écouter Jusqu'aux dents avec Teddy Abou. C'est parti. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils faisaient peur rien qu'à les voir. On aurait dit ces vieux méchants. Des dents si blanches, un regard noir, comme on en croise dans les histoires qu'on lit le soir pour les enfants. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Je plaide la défense légitime. Ils ont pointé sans hésiter leurs armes si cruelles, si fines, qu'il leur suffit juste d'agiter. Je n'ai qu'une seule chose à penser, et ils s'en moquent, c'est pas possible. Je plaide la défense légitime. La route est longue, la route est longue, la route est longue jusqu'à atterrir. Je pense que l'on ne s'est pas compris. D'ailleurs, on ne demande pas de comprendre. J'étais qu'un pion, on me l'a dit. Qu'est-ce que la chair contre une offrande? Dieu est si bon qu'il me demande d'arrêter leur chemin ici. Je pense que l'on ne s'est pas compris. La route est longue, la route est longue, la route est longue jusqu'à atterrir. Ils étaient armés jusqu'aux dents. J'ai pris la peine de leur parler. Je voulais fixer leurs yeux d'enfant. Devant ma triste vérité, j'ai fait ce qu'on me demandait. Je me sens si seul à présent. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Et oui, notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Nous sommes toujours en direct. Il est 11h50 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Avec notre chanteur, c'est mieux, Teddy Abou, T-E-D-D-Y, Abou, A-2-B-O-U. On peut le retrouver bien sur Facebook, sans problème, sur son site internet, sur YouTube, sur Bandcamp, Deezer, iTunes, Spotify, et encore bien d'autres. C'est très beau et c'est touchant. Voilà les paroles qu'il nous chante. C'est un petit témoignage que je viens de recevoir à l'instant, j'ai pas eu le temps de le lire. C'est très beau et touchant. Il ira très loin, Teddy. Les deux chansons, bravo. J'espère que dans les bacs, on va pouvoir le retrouver. Gros, gros bisous amicalement, Mamie Fernande. Eh bien, gros bisous, Mamie Fernande. Merci, Mamie Fernande. Ça me touche beaucoup. C'est très, très gentil comme message. Et voilà, c'est un petit témoignage qu'elle nous a laissé. Donc, on a vu ça à l'instant qui vient d'arriver. Alors, donc, bien, Teddy Abou, on en a parlé. Quelles sont les dates de concert? On va pouvoir te retrouver sur scène, l'album. Dis-nous un petit peu plus. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Alors, je serai le 21 avril à la Passerelle 2 à Paris. C'est dans le 11e arrondissement. Okay. Je fais un autre concert au Réservoir. Alors, Réservoir, c'est à Paris aussi. C'est dans le 12e arrondissement. Et ça se passe le 26 avril au Réservoir. D'accord. Et pour toutes les autres dates, comme je suis en train de fabriquer la tournée en ce moment, il faudra aller sur mon site où tout sera écrit, avec sur Facebook exactement aussi. D'accord. Et je vais sortir aussi un peu de Paris. Et je vais venir alors à Orléans sûrement, et puis aussi même en Normandie bien sûr, et je vais essayer le sud de la France également. Oui, oui. Alors tiens, Orléans, eh bien, s'il y a une date, si on nous écoute, n'hésitez pas donc à nous contacter et on sera heureux de te retrouver. Et puis bah, tu viendras, si c'est un week-end, nous faire un petit coucou en direct, on sera content de te recevoir ici même. Eh bien, avec grande joie, je viendrai avec grand plaisir à Orléans pour vous faire un peu de musique et qu'on partage un petit moment un grand moment. Ah, bien sûr, ah ben, oui, oui. Puis je te rappellerai, on est en train de voir avec Betty des petites séances de concert comme on a fait régulièrement. Peut-être que si c'est une date qui s'y prête, ben, pourquoi pas te retrouver ici en direct hein. Eh ben avec grand plaisir, oui. ce serait top et j'adorerais venir vous voir à Radio Arc-en-Ciel. Bien sûr. Ah, tiens, Nicolas, une autre petite question pour toi, Nicolas. Oui, alors comment vous avez fait pour découvrir les chansons, disons, comment vous faites pour écrire les chansons vous-même, comment vous faites pour écrire en fin de compte? Parce que c'est vous qui disiez que vous faites les chansons vous-même, mais il faut quand même trouver les coordonnées des mots que vous mettez dedans, et c'est comment vous faites pour le faire exactement? Alors, il n'y a pas de méthode précise, mais souvent c'est une phrase qu'on a notée, parce que moi j'ai souvent un petit calepin sur moi et que je note des phrases, des bouts de phrases, des bouts d'idées. Tiens, cette phrase elle sonne bien, ou j'observe quelque chose dans le métro, en me baladant, dans la vie de tous les jours, j'observe une attitude et c'est un truc que j'écris. Et puis à force, avec toutes ces bouts de phrases, on essaye d'en faire des choses cohérentes. Et après on met de la musique, on essaye de composer une musique qui va avec. Ou à l'inverse, parfois on met de la musique, ça veut dire on gratouille la guitare, on trouve des suites d'accords ou des suites harmoniques. Et il y a des mots qui viennent se caler dessus. Donc c'est vraiment les deux méthodes, où on commence par le texte ou par la musique. Moi j'aime bien commencer par le texte, mais si la musique me prend, je la laisse faire quand même. D'accord, parce qu'on voit que les chansons que vous faites, ce sont des chansons plus douces que plus agressées. Dans votre cas, c'est juste douce. Alors, c'est un peu dur de trouver des titres comme ça, de mots. Après moi je réagis pas comme ça. Ça veut dire que je calcule pas forcément, je fais un peu ce qui me vient. Comme je vous l'ai dit, il y a 3-4 ans, mes disques étaient un peu plus rock'n'roll, avec des vrais instruments, guitare électrique, batterie. Et puis là j'avais envie de faire ça à ce moment-là, mais je m'interdis rien, donc ça dépend un peu de l'humeur du moment. Et puis effectivement, après, moi en plus j'écoute pas mal de rap et des choses qui peuvent être considérées comme agressives. Donc voilà, c'est pas ce que je fais pour l'instant, mais peut-être un jour, je m'interdis rien, c'est de la chanson, donc je pense que la chanson doit vraiment évoluer avec les envies du moment, quoi. Ok, merci. Alors, je vous en prie, merci. Où est-ce qu'on peut retrouver ton album, justement, ce qu'on en a parlé, mais Normandie Blues, où est-ce qu'on peut le retrouver dans les points de vente, par correspondance? Alors mon album, vous pouvez le retrouver par correspondance sur mon site et par Facebook. Et sinon, il est téléchargeable et streamable dans toutes les plateformes que vous avez citées, donc Deezer, Spotify, Bandcamp. Exactement. Et Bandcamp, vous pouvez le télécharger également. Et sur iTunes aussi. D'accord. Et par contre, pour l'avoir en physique, c'est ou de la correspondance, ou en venant me voir en concert. Il y a des points de vente en concert, je les vends. En concert. Voilà. Alors, et je peux vous les dédicacer, bien sûr. Ah bah oui, c'est mieux toujours qu'une petite dédicace, ça fait toujours plaisir. Alors justement, est-ce que tu as, par hasard, dans les chansons, alors album connu ou pas connu, un petit coup de cœur à nous donner d'un artiste que tu as pu rencontrer comme ça, au gré du temps, un petit coup de cœur à donner pour nos auditeurs auditrices de Radio Arc-en-Ciel? Alors dernièrement, moi j'ai pas mal écouté un artiste qui s'appelle Féfé, qui est un chanteur français, et que j'adore. Alors lui qui vient du hip-hop, qui était un ancien membre du Saiyan Supakru, oui. Et je trouve que ce qu'il fait c'est merveilleux, ça mêle, c'est solaire, ça mêle quelque chose de très urbain et à la fois quelque chose de très voyageur, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc c'est Féfé. Et par exemple, si je dois citer une chanson, je dirais Aussi Fort. Ah oui, bah Féfé, j'ai été le rencontrer en interview, on a mangé ensemble plusieurs fois. Quand il est venu sur Orléans, c'est comme tu dis, un artiste qui, rien que l'influence musicale qu'il a, comme tu dis, hein, du groupe Enceinte Supakru, Il nous emmène cette couleur musicale africaine et ça nous fait balader et vivre sur un mot et on part en voyage tout de suite. Exact, et puis il a une énergie, une force voilà, qui est impressionnante. Enfin, franchement, c'est une leçon, le voir sur scène, c'est une leçon pour les artistes, c'est la classe. C'est la classe, voilà. Eh bien, écoute, moi, je te remercie beaucoup. Vous pouvez me donner votre adresse aussi, comme ça, je vous envoie à Radio Arc-en-Ciel un petit CD. Bien sûr. Eh ben je t'envoie ça par SMS, enfin, on peut le donner, hein. C'est 266 rue du Faubourg Bagné. Hein. On prend les chèques, on prend les papiers, on prend tout, nous. Tout ce qu'on nous envoie, on prend. Hein. On a une grosse boîte aux lettres, n'hésitez pas à envoyer ici. Vous mettez surtout le samedi, hein, 11h-14h, Sébastien, Arc Musique, on prend tout, il n'y a pas de souci. Génial. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Teddy. Et bon courage pour la petite tournée. Et puis promis, on reprend contact, voir ensemble. Et puis je t'envoie l'émission là dès qu'on la sort. Avec un immense plaisir et merci beaucoup de m'avoir invité, reçu et vos questions. Et voilà, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Oh bah c'est normal. Alors, c'est pas pour la dernière chanson, elle s'appelle N'en parlons plus. Alors je vais pas dire qu'on va plus parler de toi, hein. Mais ouais, c'est le hasard de la programmation que j'avais mis celle-ci en dernier. N'en parlons c'est plus. Non, en plus elle est bien potache, ça va être bien, ça va donner une bonne fin d'émission. Une fin d'émission avant midi. Bah écoute, un grand merci à toi, bisous encore à Betty. Et à très très prochainement sur nos ondes. Teddy Abou, je le rappelle, son site www.teddyabou.fr pour retrouver l'actualité musicale. À la bientôt. Merci beaucoup. Merci Teddy. Au revoir. À très vite. Ne parlons plus de ta mère. C'est vrai qu'elle est chiante et qu'elle me pompe l'air. Ne parlons plus cinéma. Tes goûts sont nasses, que veux-tu, c'est comme ça. Ne parlons plus de travail. Tu sais bien que j'en cherche. Pendant que toi tu glandes que dalle. Ne parlons plus d'aventure qu'on aurait pu vivre dans un monde plus pur. Mais viens on baise. Là tout de suite dans la cuisine. Entre nos cafés, nos tartines, viens on s'aime. Comme si c'était le premier jour et que je t'appelais mon amour. Viens on baise. Allez on s'engueulera plus tard. Balance tes insultes au placard. Viens on s'aime. Et puis ça me donne une excuse. Je fume seulement après l'amour. Ne parlons plus politique. Les discours m'emmerdent et j'aime pas parler de fric. Ne parlons plus de musique. Remballe ta minimale et remets-moi mon Hendrix. Ne parlons plus d'idéal. Les mouvements de libération n'en ont souvent que le nom. Ne parlons plus de nous deux. On aura bien le temps quand on sera plus vieux. À la place viens on baise. Là tout de suite dans la cuisine. Entre nos cafés, nos tartines, viens on s'aime. Comme si c'était le premier jour et que tu m'appelais ton amour. Viens on baise. Allez on s'engueulera plus tard. Balance tes insultes au placard. Viens on s'aime. Et puis ça me donne une excuse. Je baisse seulement avant de fumer. Ne parlons plus de sexe. Je sais bien que tu racontes à tes amis tout sur tes ex. Ne parlons plus de mon frère. Quand il vient à la maison, il a le droit de prendre une bière. Ne parlons plus du passé. On va rester enfermé à force de le ressasser. Ne parlons d'ailleurs presque plus qu'à force de discours. On oublie qu'on est nu tant qu'à faire. Là tout de suite dans la cuisine. Entre nos cafés, nos tartines. Viens on s'aime. Comme si c'était le premier jour et qu'on s'appelait nos amours. Viens on baise. Allez on s'engueulera plus tard. Balance tes insultes au placard. Viens on s'aime. Et puis ça nous fait plein d'excuses, ça fait notre sport pour la journée. Et si tu veux mon avis, chérie, t'en as bien besoin de